Na yemane sengo bolo na yeso nanzela na lola koyemela yen nikumba estelinga inabekesame na lenge na lenge kamona. Come on, I yes, Naya Mane say, Go, Lona, yes, Zambe, Nanzela, Nalo, Koyembela, yen, Mikumba, Esiling, I nabeke, Samin, Tango, Tango mi kakatano eko yelangan. Mobeke siye moko akobatela. Ye moko akokambanga ya wanase. Simana kokoma kunana lola. Nai na lingi, na lingi komona, komona yeso. Na yemba nese, gongolo na yeso. Oh, oh, na zela na lo, la koyembe la ye. Mikumba esilinga inabeke sambe na inalenge inalenge komona komona yeso na yemba nese gongolo na yeso onzambe na lela na lola koyemela ye. Mekumba eselinga inabeke sambe namosala nanzambe buto ekoya o makase ete namona leso sote nabele menankolo angengelinga. Tosanga nelongo kino nalola. Gai nalengi, nalingi komona, komona yeso. Na yemba nese ngongolo na yeso. Zambe nanzela nalungo lako yembe la ye. Mikumba esili taina beke sami raina lenge na lenge komo na yesu na yema nese ungolo na yesu ukolo nanzela nalu nola koya pela yeso lo mikumba esili kaina beke sami nakati na mokili oyo pasi ezali nde nakoki kombona kolo na nkembo azali na mopanga akokambanga mpe nabateli ngai nkembo na yeso ngai nalingi komona komona yeso solo yemba nese ngongolo na yeso ngolo ela nalola lola koyempela ye mikumba esilinga inabeke sambi gaina lenge, na lenge, oh, oh. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te rendons grâce, honneur et louange pour ce privilège que tu accordes dans nos cœurs de nous rassembler ici au nom de Jésus-Christ pour te servir et t'adorer. Pour t'écouter et t'obéir. Pour persévérer dans la prière. Pour persévérer dans la communion fraternelle. Pour persévérer dans l'amour divin. Car tu as dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Et encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, l'âme de Dieu ne prendra pas un plaisir en lui. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui gardons la foi pour obtenir le salut de nos âmes. Tu as payé le prix à Golgotha pour nous racheter de la vie du péché. De l'esclavage d'iniquité, de toutes les ténèbres de Satan. Et nous ne pouvons pas être ingrats, indifférents face à ce sacrifice suprême et mémorial. Nous exprimons toute notre reconnaissance et nous appelons Jésus sur la terre maintenant pour communier avec nos âmes sur la terre des vivants. Selon sa promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur Jésus, reçois nos prières et exauce à chacun. Tu connais ce qu'elle t'a demandé, ce qu'elle te demande, ce qu'elle formule comme besoin au fin fond d'elle-même. Toi qui sondes le cœur de l'un, tu n'es pas sans ignorer qu'est-ce que le cœur humain cache. Et avant que la parole n'arrive sur nos lèvres, tu connais la pensée tout entièrement. Et tu es souverain et tout grand pour régner dans les cieux et sur la terre, pour dominer sur toutes choses. Reçois favorablement nos prières et satisfais aux vœux de nos cœurs. Chaque vœu. Tu es le créateur pour y pourvoir. Rien ne manque à ta puissance. Entre en scène encore une fois et fortifie nos mains. Bande nos plaies, Seigneur. Car il est écrit que toi, Dieu, tu fais la plaie et tu la bandes. Tu es celui qui conduit merveilleusement les saints. Tu as dit que vous sortirez dans la joie et vous partirez dans la paix. Que la paix de Dieu inonde nos cœurs et que la joie du salut s'exprime au-dedans de nous afin que nous soyons distingués du reste des humains par la foi inébranlable. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions d'exaucer toutes nos prières et pour ta gloire. Amen. Nous allons lire à présent la parole du Seigneur par la grâce de Dieu. Nous lisons dans Job au chapitre 5 ce qu'il est écrit depuis des siècles et des siècles. La parole de Dieu qui demeure éternellement. Job chapitre 5, nous commençons au verset 8. Et nous allons jusqu'au verset 14. Non, mais jusqu'au verset 15. Voilà. Job 5, verset 8 à 15. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre. Il envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses. Et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et les sauve de la main des puissants. Ndeponangai nakoluka nzambe nakotika likambonangai epai na nzambe ye oyo akosala kama kambo minene mpe nakososola mantina te makambo nakokama oyo etangami mutu ya te akopesa kambula likolo na mokili mpe akotindaka mai likolo na bilanga akotombolaka likolo likolo mbango bazali ndeko sokema mpe ba oyo bazali ndekolela akokomisaka bango na esika na kimia akopekisaka miango na bato ya mayela mabe kino maboko na bango ekokoka kosala likambo moko te akokamataka bato na mayela kati na mayela mabe na bango mpe miango na bango na yauli ekosukisama na bango na ntango na moi bakokutanaka na molili mpe bakokamataka midi lokola nde kati na butu kasi akobikisa mobola longwa na mopanga na minoko na bango mpe longwa na loboko na oyo ya makasi. Osée chapitre 6 verset 1 à 3. Oseya mokapo ya motoba mulongo ya liboso kino na misato. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Yakatobuta epai na Yahweh, Nzambi apasoli biso nde akobikisaka biso. Abeti biso nde akokangelaka biso pota. Sima na mikolo mibale akobikisa biso lisusu. Mpe na mokolo na misato akosekwisa biso. Mpe tokobikaka na liboso na elongi na ye. Toyeba. Tobilaka kolukaka nde Yahweh. Akobimaka solo lokola ekobimaka tongo tongo. Akobimelaka biso lokola mbula. Lokola mbula na ebandeli na elanga oyo ekopolisaka mabele. Adieu bénisse la lecture de sa parole. Que tes hommes de apambola botenga le banaï. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus Christ. Nous souhaitons à chaque âme bienvenue à la table du Seigneur. Dans nos cœurs, nous ayons la paix de connaître le Seigneur. La joie de l'aimer. Le sengo ya kolinga ye. Et l'amour de son avènement. Mpe bolingo ya boye inaye. Comme il est écrit. Lokole komama. Revenons, retournons, venez, retournons à l'Éternel. Boya tozonga epai na Yahweh. C'est ce que nous avons lu ici dans Osée chapitre 6e. Oh, totangi na Osée mokapo moto. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Dieu lui-même qui a déchiré le cœur. Dieu lui-même qui peut déchirer une nation. Dieu lui-même qui peut déchirer une tribu, un peuple, une famille. Dieu lui-même a le pouvoir de guérir cela. C'est ce que la Bible nous enseigne. Elle nous enseigne exactement que Dieu a déchiré, mais sa main nous guérira. Lui-même dont la main a déchiré, Non pas Satan ou un esprit de Satan. Non pas Satan ni un ange déchu ni un démon. Mais la déchirure même des cœurs qui viendrait de Dieu lui-même recevra la guérison de Dieu lui-même. Quand nous aimons Dieu, nous ne pouvons que dire Amen. Venez, retournons à l'Éternel. Même si nos pas commençaient à s'alourdir, même si nos cœurs commençaient à s'apesantir, l'invitation est donnée à tous. Venez, ne partez pas, mais venez et retournons à l'Éternel. Comme Pierre avait dit, mais à qui d'autre irions-nous? Ceux-là qui ont bien voulu partir, ils savent où est-ce qu'ils partent. Ils ont trouvé que devant toi, il n'y a pas d'assurance. Ils ont trouvé que dans ta présence, il n'y a pas de bonheur. Ils ont trouvé que face à toi, ils sont insatisfaits. Ils ont trouvé que dans ta parole, ils sont malheureux. Et quand ils écoutent l'évangile, ils disent, cette parole est dure. Qui peut continuer à l'écouter? Mais moi, Pierre et mes compagnons, nous avons compris et nous avons connu que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Si nous ne pouvons pas écouter ces paroles qui donnent la vie éternelle, quoi d'autre allons-nous écouter? Si nous ne pouvons pas t'écouter, toi, dont les paroles possèdent la vie éternelle, qui d'autre écouterions-nous alors? À qui d'autre irions-nous? Pour nos âmes, ce n'est qu'à toi. Comme on dit, Ebonga Ebeba, Bisona Yoka. Ozali Zambe, Yamikolo, Yabomoina Bisote. Ozali Zambe, Yamwa Baposo, Yamikolo Nabisote. Ozali Zambe, Yamwa Bambula, Yabomoina Biso Wana Sete. Mais aux Ali Zambe, il y a Bomo Inabiso. Amen. Dieu de toute notre vie. Zambe, tant que nous vivons, c'est toi et nous. Tu n'es pas un Dieu circonstanciel pour nous. Tu n'es pas un Dieu occasionnel pour nous. Tu n'es pas un Dieu provisoire, c'est notre chemin. Mais tu es le Dieu éternel pour nous. Le rocher de notre salut. Le vrai roi de nos cœurs. C'est toi que nous aimons écouter. Et c'est toi que nous aimons servir. C'est toi que nous aimons adorer. C'est à toi que nous nous attacherons. Que nous nous lierons. À la vie comme à la mort. Tous les jours de notre vie. Qui dit ça comme ça? Oh, venez, retournons à l'Éternel. Retournons. Ne murmurons pas. Retournons. Dieu, il est si dur. Dieu, vraiment, ces choses sont compliquées. Oui, Dieu fait des choses grandes et insondables. Et il a accompli des merveilles sans nombre. Innombrables. De quoi tu vas utiliser tout ton savoir, toute ton intelligence, tout ton bagage intellectuel sans pouvoir t'en sortir? Tu serais tenté de prendre un raccourci pour dire que ça c'est le diable. Mais au fin fond de toi-même, s'il y a une profondeur de Dieu, tu sauras que c'est pas ça. Quand une chose vient de la main de Dieu, Ça doit être reconnu et retenu comme étant la main de Dieu. Ce qui est là pour vous, c'est le bon conseil. C'est le diable qui n'a pas ici, mais mon père est le bon conseil. N'imputons pas à Satan ce qui est de Dieu. Et n'imputons pas à Dieu ce qui est de Satan. Nous avons la révélation ou le discernement. Il ne sera facile chaque fois de distinguer les choses. En toute aisance, ce qui est de Dieu est de Dieu. Ce qui est fait par Satan est fait par Satan. Mais ce qui est fait par Dieu doit demeurer tel quel. Dieu fait des choses grandes et innombrables. Insondable. Il accomplit des merveilles, des choses qui étonnent. Il accomplit des miracles. Innombrables. Celui qui a la foi en Dieu peut se dire amen. Dieu, c'est ce qu'il fait. C'est sa manière de faire. C'est son identité. Il a toujours agi comme cela. Car il fait la plaie. Et sa main guérit cette femme. Notre méditation ce soir. Hein? Le Seigneur, notre Dieu, bandera nos plaies. Alors, la prédication sur la bataille d'Armageddon, nous y reviendrons du volant dimanche. Et pour ce soir, le Seigneur, notre Dieu, bandera nos plaies. Ici, si nous devons individualiser ça, personnaliser cette pensée, et chacun devrait dire, le Seigneur, mon Dieu, bandera mes plaies. Bandera mes plaies. Nakoyemba nanzela. Comme on a chanté, comme un bateau, Konana et Koloso, Elongue Zale, Bante Nunke Zokeche, Kolonga Yembe, Azali, Kokamba, Pena Biliye. Hein? Je chante sur le chemin, conduisant les cœurs, au calvaire, au coulant plein. Les ruisseaux vainqueurs, viens des flèches m'ont blessé, mon Seigneur les fait. Il dirige, me conduit, et moi je le suis. Je chante sur le chemin, conduisant les cœurs, sur le calvaire au coulant plein, les ruisseaux vainqueurs, bien des flèches m'ont blessé, mon Seigneur les sait, mais il dirige. Il conduit, et moi je le suis. Nakoyemba nanzela. Comme un bateau, il te mène à Bango. Konana et Koloso, Elongue Zale, Banse Minge Zokese, Kolo Ayebe, Bon Ajari, Kokamba, Pena Bilie, Gai Nalingi, Nalingi Komona, Komona Yeso, Nayemba Nese, Gongolo na Yeso, Solo, Nanzela na Lola, Koyembe la Ye, Mikumba Yango, Esili, Nabi Kisami, Je désire le voir, contempler sa face, le voir face à face, la seule version, c'est celle qu'on exploite là, 158, vieux cantique. Je désire le voir, contempler sa face, et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans le repas vert d'or, élevez ma voix. Les soucis sont finis, joie sans fin au ciel. Je désire le voir. À sa face, hein. Et les voir face à face. C'est ça. Je désire le voir face à face. Et chanter pour toujours. Sa divine grâce dans les rues pavées d'or. Les rues pavées d'or sont dans quelle ville? C'est dans la cité d'or. La nouvelle Jérusalem ou la Jérusalem céleste. C'est elle qui a les rues pavées d'or. Pas de bouton. Pas de macadam de la terre ici. Que la terre et les eaux de pluie érodent. Même si on avait fait un boulevard à usage unique par les Chinois, c'était pimpant neuf, vous avez pris des photos, vous êtes fait photographier dessus. Mais revenez des ans après. Ce sont des trous, des nids de poules. Et vous n'avez même ni idée ni courage d'imaginer prendre une photo dessus. Tellement c'est une salle, une crasse. Mais au lieu de ces avenues à usage unique, de ces magadam à usage unique, nous avons une cité éternelle. Où tout est en or. C'est la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Que Jésus-Christ est allé préparer, construire pour nous. Alors, en chantant ici, on a ça en inspiration. On ne cite pas nouvelle Jérusalem, mais c'est dit entre les lignes. Dans la phrase, dans les rues pavées d'or. J'aimerais élever ma voix dans les rues pavées d'or. C'est si fait allusion à la Jérusalem céleste. Que Jésus est allé construire pour son épouse. Pour son église épouse et il reviendra pour l'enlever. Bientôt. Dans les rues pavées d'or. Élevez ma voix. Alors quand j'y arriverai, je l'aurai d'abord vu face à face. Je me promènerai dans les rues pavées d'or. Élevant ma voix à l'honneur et à la gloire de mon Rédempteur éternel. Sans personne pour me troubler. Ni la mort, ni la vieillesse, ni les rides, ni la maladie, ni la douleur, ni le chagrin, plus rien là-bas. Mais un vrai bonheur éternel. Une sécurité sans pareil. Une gloire ineffable. La joie ineffable. Un bonheur irravissable. Dans les rues. Voilà Jérusalem céleste. Et là je verrai Jésus face à face. Je désire le voir. Le voir face à face. Et chanter pour toujours. Sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or. Élevez ma voix. Là, les soucis sont finis. Je suis à l'abri. Je suis à l'abri. Et des soucis. Et des maladies. Et des troubles de famille. Et des membres de famille sorciers qui combattent. Et des membres de famille qui ne comprennent rien du tout. Les mots comprennent. Qui crée des incompréhensions sur tout et au sujet de rien. Tu en seras délivré un jour. Car ta famille éternelle, c'est ta famille chrétienne. Ta famille terrestre est une famille temporaire. Vous vous êtes retrouvé ici sous le soleil pour un temps limité. Là il y a une date de naissance, là il y a un jour de décès où la famille te manquera. Et avant que tu ne naisses dans cette famille, tu n'appartenais pas à cette famille. Et après que tu sois mort, ils ne te géreront plus. Mais il y a un Dieu à qui tu appartiens. C'est lui qui a versé le sang à Golgotha. Le sang pour te racheter. Et que tu deviennes sa propriété à lui. Alors, avec les précieux bien-aimés frères et sœurs qui partagent la même foi que toi, qui soutiennent le même combat chrétien, resserre tes mains. Soyez soudés comme les dents dans la gueule du crocodile. Ils sont inséparables. Ce sont des vrais frères. Les dents dans la gueule du crocodile. qui sont inséparables. Et ce sont des vrais frères. Nous voulons que les frères chrétiens aient un amour de ce niveau-là. Où ils sont saoulés. Où ils sont liés. Totalement inséparables. Que le Seigneur nous accorde ce privilège. Dans Job 41, parlant du crocodile, il est écrit ceci. Verset 6 à 8. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Comme par un sceau. 41. Job 41, verset 6 à 8. Yobo tukumi na namako mulongo ya motoba kino na mambe. Baninga bako salaka. Chapitre 41, verset 6 à 8. Sinon, traduisez directement. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un sceau. Il y a un sceau qui unit les magnifiques et puissants boucliers du crocodile. Et ils se serrent l'un contre l'autre. Et l'air ne passera pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent et demeurent inséparables. Vous voyez, les magnifiques et puissants boucliers de crocodile. Ils sont unis ensemble, comme par un sceau. Et pour nous, les frères chrétiens, c'est le sceau du Dieu vivant, le baptême du Saint-Esprit qui nous unit, quelles que soient nos langues maternelles et nos anciennes origines familiales. C'est le sceau de Dieu qui nous unit. Tous ceux qui ont reçu le sceau de Dieu sont inclus dans cette unité. Ils se serrent l'un contre l'autre. Et l'air ne passerait pas entre eux. Même l'air ne peut pas passer. Soudé. En complémentarité, soudé. Et l'air ne peut pas passer. Il y aura un obstacle qui va découler. Ils sont deux personnes, mais unis et inséparables, comme si c'était un même et seul corps. Oui, 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Pas de toi, un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, jeune ou vieux, mais un seul corps. Par un seul baptême du Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu qui nous met dans le corps de Christ. Et nous rend inséparables. Et l'air ne passerait pas entre nous. C'est ça la vérité. Voilà la vérité biblique. Mais quand on trouve aujourd'hui des gens qui prétendent avoir le sceau de Dieu et vivre dans une telle inimitié et des rancunes, vous devez vous dire soit tous les deux là n'en ont pas, soit c'est l'un qui en a et les autres n'en ont pas. L'un est le véritable et les autres sont des imitateurs. Mais ils ne peuvent pas tout savoir le véritable et vivre dans les inimitiés, dans les murs de séparation. Vous ne pouvez pas fermer la parole. Au grand jamais. Elle est la vérité. C'est elle qui juge tout. Qui dit amen? Ils se serrent l'un contre l'autre. Et l'air ne passe pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent. Ils se saisissent et demeurent inséparables. Demeurent inséparables dans le corps de Christ. Pas de division. Pas d'inimitié. Pas de rancune là-bas. Il y a une réelle unité. Et c'est ainsi que nous insistons chaque fois que chacun de nous cherche et reçoive le véritable sceau de Dieu. Il sert absolument rien de prétendre la voix. Alors que ce que dit la parole ici est impossible à être vécu par toi. La vie que tu mènes, tout ton parcours prouve que tu n'es pas dans cette unité. À quoi bon prétendre là? Autant me dire, je n'en ai pas, j'en cherche encore. Autant dire, Dieu aurait pitié de ton âme, comme il a pitié des misérables de la terre. Et quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il est disposé, lui, l'Éternel, à les délivrer de toutes ses angoisses. Plutôt que de se consoler et de dire je suis parvenu, alors qu'en réalité tu n'as encore nulle part, tu n'as que la religion, rien de plus. Là Dieu nous assiste. Si ce n'est pas Dieu qui nous conduit, alors sachons que c'est le diable qui nous conduit. Et si c'est le diable qui nous conduit, à ce moment-là nous ne sommes pas dans les bons. Nous devenons les malheureux. Les misérables comme pas possible. Et frère Branham a dit que vous ne pouvez pas être conduit par le Saint-Esprit tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit demeurant en vous. Vous ne pouvez pas être conduit par le Saint-Esprit tant que vous ne l'avez pas encore reçu dans votre cœur. Et qu'il demeure. Il nous faut d'abord le recevoir. Là dans le cœur. Le véritable. C'est après ça que nous avons la conduite du Saint-Esprit. Or, si vous n'êtes pas conduit par Dieu, attention, c'est que le diable peut prendre la main. Il permettra de vous conduire. Je veux lire dans l'agneau et la colombe. Prêché le 17 septembre 1956. Le paragraphe 6e. Or si nous observons la colombe, la raison pour laquelle elle est restée sur l'agneau, c'est parce qu'ils avaient la même nature. Quand Jésus fut baptisé d'eau, Jean-Baptiste a vu les deux symboles, il a décrit les deux symboles. Il a commencé par décrire Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ensuite, il voit le Saint-Esprit descendre et se poser sur lui comme une colombe. C'est ça l'agneau et la colombe. Et quand cette colombe était descendue, elle est demeurée sur l'agneau Jésus-Christ parce que les deux avaient la même nature. La nature d'humilité. L'humilité et la simplicité. La raison pour laquelle il est resté sur l'agneau, c'est parce qu'ils avaient la même nature. Et si tu veux que le Saint-Esprit vienne demeurer en toi, il te faut d'abord changer de nature, briser ton orgueil de naissance. décroissance intellectuelle et l'orgueil d'acquisition. L'orgueil qui inspire les biens matériels, l'argent. Un véhicule qu'on a, des marques spéciales, on devient orgueilleux quand on est là-bas. Mais lorsqu'on vous descend de là, vous êtes pareil à tout le monde. Ou une ordonnance présidentielle qui vous a donné une nomination. Comme ministre, alors on transporte tout de vous, même le téléphone. Et quand vous voyagez hors du pays, on vous voit tirer la grosse mallette comme tout le monde, à laquelle elle est. Et dès que vous rentrez à Kinshasa, au sont de cortège des serviteurs et des gens qui se bousculent pour tout transporter de vous, même les coupes-ongles. Mais quand vous partez à l'extérieur, on doit traîner votre valise dans les escaliers d'avion. Tout seul, parfois essoufflé. Vanité de vanité. Que Dieu ait pitié de nous. Si nous voulons que le Saint-Esprit vienne et demeure à nous, nous devons changer cette nation. Le complexe que nous développons des fois pour rien. D'une vaine gloire de la terre. Tu es homme et tu restes homme. Restons petits. Humilions-nous. Avec l'humilité, le Saint-Esprit pourra venir demain. Mais toute arrogance, tout orgueil est une grande barrière, une porte fermée contre le Saint-Esprit. Et un homme qui a le Saint-Esprit ne veut pas être orgueilleux. Qui dit amen? Déjà, le fait que tu es orgueilleux montre que tu n'en as pas. Même si tu peux nous donner des bottes et multiples témoignages, l'orgueil est déjà une preuve, même pour toi-même, que tu n'en as pas. Jésus-Christ qui en avait la plénitude. Sans mesure. Il a dit qu'il était doux et humble de cœur. Il avait tout le Saint-Esprit en lui. Mais il est demeuré doux et humble de cœur. Mais comment toi tu peux recevoir une portion? Tu peux prétendre devenir si orgueilleux, mais tu as quand même le Saint-Esprit. Non, non. Humilie-toi toi-même. Mon frère, ma soeur, humilie-toi toi-même. C'est très important. Vous voulez que le Saint-Esprit vienne? Que soit les choses de Dieu dans votre cœur. Qu'il vous introduise dans le corps de Christ. Alors, réfléchissez-vous d'humilité. Une profonde et véritable humilité. Et parfois, il faut des dures épreuves pour que nos cœurs se convertissent et deviennent simples et humbles. Il faut des coups durs. Excusez-moi. Il dit ceci. La raison pour laquelle la colombe est restée sur l'agneau, c'est parce qu'ils avaient la même nature. Et la raison pour laquelle la colombe demeure sur le chrétien, elle restera là tant qu'il reste un agneau. Mais dès qu'il adopte une autre nature, la colombe s'envole. Oh, Kingandi, na yo ki makambalobi. Hey, na saka chanti na ye, akome ko sekane ngai. Zera na ko kote se esprit, a ko vivre ngai. C'est la personne qui adopte une autre nature. Quand on est humble, tu deviens insatisfait de l'humilité, et tu veux te faire falloir, mais. Tu veux te faire voir. C'est toi qui adoptes une autre nature. L'évangile t'a enseigné. Le bandana oh sang malamo la kisio. Et maintenant, on C'est toi qui adoptes une nature. L'un des moutons, tu prends une posture qui n'est pas de la parole. Pour te mettre en valeur, te donner plus d'importance. Et après, tu auras quoi? Poursuis ce divan. Ce que tu penses qu'il affichera comme réaction, ce n'est pas nécessairement ce qu'il te donnera comme réaction. Parfois tu t'imagines que dès que je vais lui faire ça, il va me chercher lui-même et demander pardon. À la suite là, zéro. Ni appel, ni SMS, ni rien dans ta direction. La prochaine fois d'ailleurs tu vas encore faire répéter la même recette. Pour espérer voir que lui, cette fois-là, puisse t'évancer et te saluer. Yépe na tour na yé, akou pète yo souga na kara. C'est quoi, wani gomé tourna? Oh, na sale nini, po to zongana, po moutou a yéba, après, na kou ignoré yé na vinanga. Tu vois, tu décides encore l'inimitié. Ici, na bon sali yé na vinanga na bimba. Mikounia ekoti. Tu ne fais pas tromper ton propre cœur. Quand la bouche va dire, vina yo bimba, obo saniye, motema oya yo. Conscience na yo na kati na yo, eye baga yekak. Eye bika za, pe azalak. Vrai ou faux? Tu ne fais pas tromper ton propre cœur. Vous pouvez tromper tout le monde, mais vous n'allez pas tromper votre cœur. Votre cœur sait. Et de temps à autre, il vous rappellera. Et celui-là existe. Son nom est gravé dans ta mémoire. Alors tu cherches quoi? Une vaine gloire. Et millions, chers amis. Ça ne sert à rien. C'est une poursuite divine. Le Seigneur nous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Soki yo moko adopte natif, olingi okabela batu bakara na yo, kokamwa te, komi plendre pete, komi tuna pete, tango kobanda kolokuta bakara ya batu. Yo nde muto bandaki. Et puis, ça va se contaminer auprès des autres personnes avec qui tu n'avais même pas de problème. Parce que ce sont des démons. Tu as transféré ici, mais c'est un humain. Et les démons se sont concertés entre eux. Yé moutou à la distribution zéla. Pourquoi tu peux pas gagner yawa? Pourquoi tu peux pas gagner guna? Pourquoi bête yé souga nakara? Après, on le dit, mais qui gagne, on a un problème, tu sais? Na ou yé bête souga yoke l'inganini? Kaka yo moko. Moubadise makambo isa yo. Moulougi makambo, yone. Que Dieu nous fasse garder l'attitude d'humilité. Zambé asala ete, toti kalana lolenga komi kikisa. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Tout ce que tu fais aux autres, c'est ce que l'autre fera. Un jour ou l'autre. Dans le temps, comme il est écrit dans Galates chapitre 6, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, de ce qu'il moissonnera. Alors, sémons le bien. Pour moissonner le bien. Ne nous lâchons pas de faire le bien. Car au temps convenable, nous moissonnerons. Pouvons-nous lire ça? Galates chapitre 6. Nous prenons ce qui est dit exactement ici dans les versets 7 et 8. Non, 7 à 9. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu, le maître de l'univers, qui contrôle tout dans l'univers, les actions, les gestes des humains, lui qui leur donne le mouvement et l'existence. C'est Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est lui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Bonjour, Bissaté. Zambé, à Koko Samakate. Soko moto akokona kanini akobuka bubele yango. Soki okopona kakati na nzoto okobuka libebi kati na nzoto. Nde we oyo akokona kakati na molimo akobuka bomo na seko na nzela na molimo. Tole mbakate pona kosala kamalamu. Nzambi na tango oyo koki tokobuka kasoko tokotikala na motema tokotika motema te. Alors ne faisons pas des histoires. Ne cherchons pas une vaine gloire. Ne cherchons pas des gloires imaginaires. Vivons la parole simplement. Quand ces idées-là viendront encore te tenter, réponds-leur, abandonne l'orgueil. Dis-lui, mon cœur abandonne l'orgueil. Lobela kana mbe motema na wani bisi motema na motema sikaka lolendo ya pamba sikaka lolendo sala humble. Amen. Et la raison pour laquelle la colombe demeure sur le chrétien, il restera là tant qu'il reste un agneau. Et l'agneau accepte les reproches. Il se fâche pas quand on les reproche. Il accepte. Soyez souple, acceptez. Dites merci Seigneur. Tu me veux parfait. Je ne suis pas parfait. Je suis indigne. Je serai un peu un autre. Mais tu as utilisé mon frère. Tu as utilisé ma soeur. Tu as utilisé mon voisin. Pour enlever cette imperfection. Pour enlever l'indignité. Je te dis merci Seigneur. J'accepte la correction. Pour avancer vers la perfection. Qui le fera? Nani ya kosale la yango? Yo wana otobole musapi. Lobe le sosu kene koswana. Pour ma fesse remarque. Omoni hein? Yo wana adopte nature gondima. Qui le fera? Otobole musapi. Nani ya kosale otobole. Là tu as adopté une nature d'agneau. Wana oji. Je te prie à la parole. Mais dès que obimi libanda, ola ti passe mususu elongi en koi. Kuna on dirait que humilité est impossible. Mais l'église est ça possible. Sur le champ dans la prédication, oui. On est prêt. Prêtez le Seigneur. Mais dès qu'on sort dehors là-bas, au côté de l'esprit. Et ça, c'est faux. La colombe demeure sur le chrétien. Et elle restera là tant qu'il reste un agneau. Mais tant qu'il adopte une autre nature, la colombe s'envole. Et cet agneau était pour commencer un agneau sans défaut. La Bible dit qu'il était un agneau sans tache. Et l'agneau ne peut pas se conduire lui-même. Un agneau doit être conduit ou guidé. Ou surveillé. Voyez les trois choses. Il doit être conduit ou guidé ou surveillé. Ce ne peut pas être brebis Melchisedec. Non. Il faut avoir un ministère qui te surveille. Si vous appartenez au même corps avec eux. Le corps de Christ. Alors, un agneau ne peut pas se conduire lui-même. Et un agneau doit être conduit ou guidé. Ou surveillé. Êtes-vous déjà allé à l'abattoir pour assister à l'abattage des brebis? Les brebis ne peuvent pas seuls suivre la piste jusqu'au lieu de l'abattage. il y a un bouc qui les conduit jusqu'à la bataille. Et ce bouc, une fois arrivé au lieu où il se fait la mise à mort, il saute de l'autre côté de la piste. Eh bien, c'est un comportement très typique du diable. Je vous ai dit que pour que vous soyez effectivement conduit par le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit soit au-dedans de vous. Et tant qu'il ne demeure pas encore en vous, vous ne pouvez pas efficacement être conduit par lui. Mais alors, si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, attention, parce que c'est le diable qui serait en train de vous conduire. Mais là où il vous amène, c'est à l'abattage. Mais là où le Seigneur vous invite, c'est à la mort en soi-même. Mais si le diable continue à vous conduire à sa guise, là où il finira, c'est là où votre âme finira. Attention, l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Où est-ce que Satan le diable finira-t-il? Dans l'enfer. Mais si vous le laissez conduire toute votre vie à sa guise, ne voyez-vous pas que vous êtes une âme en danger? Et que votre fin sera honteuse? L'ignominie éternelle ou perpétuelle, comme on le dit? Alors, cessez de suivre aveuglément Satan. Venez et retournons à l'Éternel. Retournons à Dieu. Lui, quand il décide, sa main guérira. Il a déchiré, mais il guérira. Bien des flèches m'ont blessé. Mon Seigneur le sait. Mais c'est lui-même le Seigneur qui sait là, qui est au courant de tout ce qui te blesse. Le Seigneur dit, rocher de ta vie. Le rocher de ton salut, lui qui a les paroles de la vie éternelle, c'est encore lui qui guérira. Le Seigneur mon Dieu bandera mes plaies. Le Seigneur notre Dieu bandera nos plaies. Alors ne livrons jamais notre vie à Satan. Au péché, aux iniquités, à la mortalité, au loisir, au plaisir du Père, livrons nos vies au Seigneur notre Dieu. De sorte que quand celui qui blesse, alors il aura le devoir de guérir. Il fait la plaie et sa main guérit la plaie. C'est la Bible qui nous le dit avec assurance. Alors, le diable est un conducteur mais qui mène à la mort. Qui fait le malade. Il fait conduire les brebis de Dieu droit à l'abattage. Et puis, lui, Satan, il saute de côté. C'est vrai. Faites donc attention à celui qui vous conduit. Amen. Frère Branham a dit ça. Amen. Faites donc attention à celui qui vous conduit. Qui te conduit? As-tu le Saint-Esprit demeurant dans ton cœur? Où te conduit? Où tu ne l'as pas encore? Et alors, qui te conduit? Parce que tu es toujours conduit par quelqu'un. Il y a toujours un esprit qui conduit. L'on dit même, les humains disent que la nature a horreur du vide. Et tu vas revenir te mouton. Ça ne peut pas rester seulement laissé au vide. Tu vas ne rien pas qui se conduit. Et toi tu marches seulement comme ça. Loin de là. Il y a un esprit qui conduit toujours. Soit de l'esprit de Dieu. Et sa manière c'est de demeurer d'abord là. Comme le Seigneur a dit. Quand lui l'esprit de vérité sera venu. Quand il sera venu dans ta vie. Il sera venu dans ton cœur. Il vous conduira dans toute la vérité. Non pas avant d'être venu. Mais il doit d'abord venir pour vous conduire. Il doit venir dans sa vie pour vous conduire. Oh, est-ce que nous sommes d'accord avec la vérité? Jean chapitre 16. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, ne sois pas l'obligation de sa venue. Qu'il vienne d'abord. Ne saute pas vite pour dire le Saint-Esprit me conduit. Mais tu sautes, est-ce qu'il était venu? S'il était venu dans ton cœur, dans ta vie, était-ce comment? C'était quand, où, à quelle heure? C'est comment qu'il est entré là-bas? Il ne faut pas être superficiel. Vous allez arrondir ici les angles. C'est un problème sérieux qui touche au salut de ton âme. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Mais avant de poser tous ces actes successifs, il doit d'abord venir dans ta vie. Il doit venir dans l'église. Il doit être d'abord là. Et quand il vient, quelqu'un doit le recevoir. Quand vous le recevez, il demeure alors en vous. Et c'est alors à partir de là qu'il va vous conduire. Et comme a dit le prophète, le baptême du Saint-Esprit est une expérience bien déterminée. Bien définie. On ne se les donne pas seulement comme ça. On ne la fabrique pas non plus soi-même. Mais c'est Dieu le Père qui doit vous les donner. Et c'est encore lui qui doit vous les confirmer. C'est amen, amen. Nous sommes d'accord? Revenons ici à Osée chapitre 6e. L'écriture de base de notre méditation de ce soir. Osée chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. C'est cela. Et allez bon, il y a pas de bouton et pas une ayahoué. Zambi a pas son libiso ne a comique ce biso. A bête biso ne a comique la biso pota. Avec nos blessures, nos déceptions, nos frustrations, nos douleurs, nos épreuves, nos difficultés, nos tribulations, nos tentations, à qui d'autres irions. Venez, retournons à l'Éternel. Frères et sœurs, Tozonga, Tozonga, Toyaka, Yaka, Tozonga la Epaïna. Tozonga, amen. Tokin, nami kumba la biso. Nami kumba. Nika katano. Amen. Bamba, bankamba, mami problème sognini. Tome manioso, tome melaika. Amen. Lui m'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et cherchez. Moi, je vous donnerai du repos. Mais il vous invite. Abengi. Venez. Pourquoi vous ne voulez pas venir? Venez. Mais toi, tu es toujours dans les téléphones. Vous allez me donner un téléphone. Mais c'est lui, venez. Quoi, le bête, Yaka? Attendez d'abord, je vais chater. Yo, nano, salabashi. Le Seigneur dit, venez. Quoi, le Yaka? Oh non, tu dois répondre d'abord à cinq messages. Et t'en as un autre, mais j'ai vu encore trois autres qui sont venus. Et ça, c'est un bon mot. Zamba, le Yaka, kata nano makambo sarawana. Kata makambo na yo, tola nanan kolo. Kota na présence ya Nzambe. Zonga na klima ya mabondeli. Bandela bitumba. Lata manduki. Zonga yake pa inakolo. Amen.